ok mon pote. C'est le crash test, Vegas mec. Yeah, yeah, je vais kicker ma race. Écoute, yeah, Vegas mon pote. C'est le crash test. Venu rapper comme si j'avais plus que ça à foutre. Après le soleil vient à foudre, ils veulent nous la foutre. Représente ma jeunesse de fou. Vegas mon pote, je veux faire tourner mon plat jusqu'au mur de la capitale. Le monde est fou, les mecs capitulent. Le nombre de dépressifs n'est pas en chute. Sur la terre de l'injustice, ils sautaient sans parachute. Ok mon pote, on a les rimes, casse pas la tête. Le sourire au lèvre, check le mic à la aspect. Les flots pas les pecs, sur la tête ta mère l'approche. La ken par les pattes, fallait pas test hein. Trop de rappeurs sont dead, hein. Se sont criés en perse hein. Trop dommage, le hip hop se perd dans le rap game. Les mecs sont des crash test, des machines à cash mec. Si tu rapportes pas, ils riront ton place. On t'entendra plus sur la FM, trop bête. Trop de techniques, on persiste, le showbiz, on l'esquive. La pointe, on l'évite, des dégustes, des rimes bien viscères. Les yeux rouges ouverts, le cœur ouvert, toujours sincère. Mon peur, c'est du diac t'es rincé. Ok mon pote, on a les rimes, on a le flow. On fait des titres, pas les gros, j'suis venu rapper ma race. J'tique le mic après j'm'arrache. J'finirai pas ma village, m'en tape de ta grosse caisse, ta village. J'suis trop au-dessus de vous, j'suis perché sur la basse. Ok mon pote, on a les rimes, on a le flow. On fait des titres, pas les gros, j'suis venu rapper ma race. J'tique le mic après j'm'arrache. J'finirai pas ma villa, m'en tape de ta grosse caisse, ta village. J'suis trop au-dessus de vous, j'suis perché sur la basse. Le système nous a berné, tous les soirs c'est la mélancolie qui vient me bercer, endoctriner. Jusqu'à l'os, il voudrait qu'on réponde aux ordres, qu'on respecte les hommes de loi, les people de peine de foi. L'art n'est pas un business, c'est ma mentalité. Je vais tirer d'ici, je vois les frères dans leur routine enracinée. Je suis pas fait pour cette vie ici, j'ai trop de tristesse emmagasinée. Comment dire, je veux changer de décor. Ici je me sens comme une fleur qui va jamais éclore. Et puis on est des millions d'accord, et puis bref on a les nerfs. Faut des billets verts, ici c'est tout ce qui compte. On fait des choix, travers, écoute le son sorti de ma caverne. Nique le système, non nique pas pilote. Sinon ils nous colleront des procès comme SNIPER. Les rimes sorties du cœur, j'en place une à mon pro. Tous les mecs ont pris du ferme, les cernes sous les yeux à ma pelle. Maintenant je réfléchis pour deux à ma taille de jean, ma taille de chat, t'as mon shit, t'as mon mic, t'as mon frérot, tous mes photos. Ok mon pote, on a les rimes, on a le flow. On fait des titres, pas les gros, j'suis venu rapper ma race. J'quitte le mic, après j'm'arrache. J'finirai pas ma village, m'en tape de ta grosse caisse, ta village. J'suis trop au-dessus de vous, j'suis perché sur la basse. Ok mon pote, on a les rimes, on a le flow. On fait des titres, pas les gros, j'suis venu rapper ma race. J'quitte le mic, après j'm'arrache. J'finirai pas ma villa, m'en tape de ta grosse caisse, ta village. J'suis trop au-dessus de vous, j'suis perché sur la basse. Ok mon pote, dégage mec. Vegas mec, c'est le crash test, venu kicker ma race, après je m'arrache, yeah, yeah, yeah. Vegas mon pote, venu kicker ma race, après je m'arrache, yeah, c'est le crash test, Vegas mec, yeah, casse pas la tête.